Lettre 38e, Monsieur Villard à Lady Howard, Berry Hill, 27 mai. Madame, la visite de Madame Duval que j'ai à vous annoncer aujourd'hui ne saurait être une nouvelle inattendue pour vous. Elle n'aura pas manqué de vous informer de ses desseins avant son départ. J'aurais désiré d'être dispensé de cette entrevue, mais je n'ai pu l'éviter décemment. Il n'était guère possible de renvoyer cette dame sans l'entendre. Elle me dit qu'elle s'était déterminée à faire le voyage de Berry Hill d'après la défense que j'ai faite à sa petite fille de la suivre à Paris, et elle me demanda raison de l'autorité que je prétendais m'attribuer. Pour peu que j'eusse été disposé d'entrer en contestation avec elle, je l'aurais trouvée prête à disputer les titres valables que j'aurais pu alléguer. Mais mon intention étant d'éviter les débats inutiles, je pris le parti de l'écouter tranquillement, et lorsque je remarquai qu'elle était lasse de parler, je la priai du plus grand sang-froid de me mettre au fait du motif de sa visite. Elle me répondit qu'elle venait pour me démettre du pouvoir que je m'étais arrogé sur sa petite fille, et elle protesta qu'elle ne quitterait point ma maison sans y avoir réussi. Je m'abstiendrai de vous rapporter, madame, les détails de cette conversation désagréable. Je me bornerai à vous rendre compte du résultat de notre entrevue. Madame Duval, voyant que j'étais fermement résolu de m'opposer au départ de Miss Evelina pour Paris, insista sur ce que ma pupille demeura du moins avec elle à Londres jusqu'au retour de Sœur Belmont. Je combattis ce nouveau projet avec toute la force dont j'étais capable, mais mes représentations n'aboutirent à rien. Je perdis mon temps et elle, sa patience. Elle finit par me déclarer que de ce pas, elle irait faire son testament pour léguer à des étrangers tout son bien, qu'elle laisserait sans cela à sa petite fille. Cette menace aurait produit peu d'effet sur moi. Je suis persuadé depuis longtemps qu'avec le seul nécessaire que je puis lui assurer, mon Evelina serait aussi heureuse que si elle était riche à millions. Mais l'incertitude de son sort m'empêcha de suivre à la lettre le plan que je m'étais prescrit. Les liaisons qu'elle pourrait former dans la suite, le genre de vie pour lequel elle pourrait être réservée, la famille où elle pourrait entrer un jour, toutes ces raisons ajoutèrent du poids aux menaces de Madame Duval. Et après des discussions infiniment fatigantes, cette femme intraitable m'arracha enfin la promesse de lui céder ma pupille pour un mois. Je ne me souviens pas d'avoir jamais accordé une demande d'aussi mauvaise grâce et avec plus de répugnance. Je n'avais que trop de raisons pour persister dans mon refus. Le caractère emporté de la Duval, ses bassesses, sa grossière ignorance, ses liaisons de famille, les mauvaises sociétés qu'elle fréquente, voilà, je crois, des objections plus que suffisantes. Mais d'un autre côté, avais-je le droit de frustrer mon Evelina d'un héritage immense qui dépendait de mon consentement? Cette seule considération m'a décidé, et nous nous sommes quittés très mécontents l'un de l'autre. Il me reste à vous remercier, madame, de toutes les bontés que vous avez eues pour ma pupille pendant son séjour à Howard Grove, et à vous prier de la laisser partir lorsque madame Duval jugera à propos de réclamer la promesse qu'elle m'a extorquée. Je suis, etc., Arthur Villard.